Ça à l'époque, mes frères sont un stap de fou. Faites un cap prêt à stap contre un stade de foot. On se lève dans le gaz, les yeux cernés, l'envie du nécessaire n'est, faut pas se laisser cerner. On vend du shit, de la weed, de la coke et de la MD. Oui, des enfants gentils, on l'a été. La vie n'est pas facile, tout le monde veut se la mettre. On va tout perdre et peut-être qu'il est trop tard pour se l'admettre. Même quand elle est dure, ils veulent couper la cam. Ils veulent la meuf trop bonne dans un petit coupé à canne. Écoute-moi bien, une vraie parole, quand t'as l'oseille, t'as les amis. Quand t'es à terre, plus personne n'est grand à boulangerie. Pourquoi tout sur un gâteau? En janvier j'étais en tôle, en décembre sur un bateau. Staff là, pardonnez-moi, mon Dieu, mais j'en profite. Les épreuves me ralentissent, mais mon fils grandit trop vite. À moi, passion, bonheur, loyal, cassure, mensonge, colère, noyade. Voyage en enfer, VIP, tranquille, canguère, capuche, cœur froid, banquise, perquise. Je vois les larmes qui tombent sur les joues de papa. On garde à vue le commissaire, après t'es le papage. Fini la barbade, tu sais qu'on parle pas. J'ai des cavés, ils ont même pas trouvé mon pare-balles. Le froc me part mal, mon gros c'est banal. On vit dans les palaces, on fait des sommes de malades. C'est normal et par là que j'ai ma cala. T'as voulu me faire, t'as eu le go, mais j'étais pas là. L'habitude de rouler sans permis. J'fume la frappe de bâtard entre Toulouse et Perpignan. Une spéciale de bataille d'Auvergnat. Pour moi tu chutes ta volonté même si les blocs sont fermés. Un penchant pour le luxe, on a goûté la hasse. Nique sa mère à Bonaref, une grosse spéciale half. Je viens du 9-4, on a besoin de tout. C'est pour toutes les filles et toutes les cités qui nous entourent. Mon gros en 2015, toujours la même bataille. Je veux pas me faire baiser par des fils de bâtards. Mon gros faut que t'arrêtes toujours le corps de la mère. Tu donnes du bif à ta meuf, combien tu donnes à ta mère hein. T'aimes les hôtels, t'aimes donner ton cul. Chez nous on te retrouve dans un sac isotherme. T'as fait des sous, t'as sucé des bites. Pour le loyer, tu donnes des billes. On connaît qui est qui, on connaît qui fait quoi. Une bêtise croquerie, mais manquer des quoi. Tu parles de la rue, de Monaco. J'aime pas les moralistes qu'on le nez dans la coque. Bref, hein gros, est-ce que t'es synchro? Comme moi t'aimes le bif plus que les synchros. Valeur, principe, mama. Je suis qu'un être humain, je pars en couille et j'aime le famas. On aime les vrais hommes, les diamants sont cara. On aime les vrais hommes, la Sanadiara. C'est pour ceux qui haïssent, pour ceux qui supportent. Tu pars mal de moi, ta mère c'est qu'un porc. Ils veulent voir les petits finir en GAV. Les sous j'étais jamais seul quand j'en avais. 13 ans du Lacoste parfumé aux égouts. J'ai pas fini, 30 piges toujours sur écoute. Ils veulent nous casser le doigt, anéantir nos familles. Les fils de pute, j'ai 100 kills dans la valise. Faut compter le bénéf de la Hollanda. En vacances sur la lune, je te laisse à Koh-Lanta. Mange des moustiques, j'espère que c'est bon. À midi, mon fils mange des langoustines. Que je m'en sois témoin, tu fais le voyou. Mais quand t'es dans la merde, tu manges pas de cailloux, gros. Ils veulent ma tête, veulent me déchirer le ventre. Je les ai vus m'aimer, puis pisser contre le vent. Tu veux ma forteresse, je les tue par centaines. Laisse-les gouverner cette bande de rois sans tête. Ils aiment trop la puissance, mais ne peuvent l'avouer. Tu peux déchaîner les os, je suis dans l'âge de Noé. Laisse-moi Noé, ils ne font que jouer. T'inquiète, j'ai comment l'histoire va se dénouer. T'as le gros moteur qui va jusqu'en enfer. Mentir au menteur, c'est boire dans son verre. Toujours la même rengaine, tout perdre et tout gain. Va donc sucer tes traves dans un bébé à pouquette. Oui, la conquête, y'a l'équipe armée. J'te parle pas de ton équipe, les petites croquettes. 9-4 à la banane, passant par bandit. Dangereuse est la balade, nos rues sont maudites, gros. 9-4, Repro. J'ai la Bellec, je les baisse, même si je suis bloqué. Ils vont rien faire, c'est qu'une bande de concoqués.